2 A 1 Salut. Salut. Je m'appelle Chloé, et toi? Anne-Sophie. 2 Bonjour, messieurs, dames. Je suis Monsieur Lacan, votre professeur de physique. Bonjour.